Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Mais oui, on va parler de l'association Andy Dream. Elle est avec nous au téléphone, c'est Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour à tous. Oh, petite voix, tu viens de te réveiller, je suppose. Non, du tout. Bon, tu te lèves à quelle heure le matin, dis donc? Pour l'occasion, je me suis levée un petit peu plus tôt. C'est pour le match? Pas trop, non. Bon, l'occasion, justement. On va parler déjà de l'association Andy Dream. Qu'est-ce que c'est comme association, Nadia? Alors, c'est une association que j'ai créée il y a un petit peu moins d'un an. C'est une association puisque je suis paraplégique maintenant depuis 7 ans suite à un accident. Un accident. C'est vrai que dans ma rééducation, j'ai réellement pris conscience de l'importance du dialogue qu'il pouvait y avoir entre personnes en situation de handicap. Ouais. On a plus de facilité à se parler entre nous qu'avec le personnel soignant présent en rééducation, en fait. D'accord. Vous faites quoi alors concrètement aujourd'hui dans l'association pour faire avancer les choses, parce qu'il faut les faire avancer aussi? Exactement. Malheureusement, je ne sais pas si l'association Andy Dreams est tellement petite actuellement, je ne sais pas si on va pouvoir faire énormément de choses. Mais des fois, tu sais, une goutte d'eau dans l'océan, comme on dit, hein, ça fait grandir. Hein. Tout à fait. Mais le but, c'est justement d'accompagner ces personnes suite à leur accident ou même une maladie, hein, puisqu'on peut se retrouver en fauteuil roulant suite à une maladie. Le but, c'est de les accompagner pendant leur rééducation, donc à expliquer l'handicap, communiquer, écouter et surtout les comprendre. Ouais. Ça, c'est la première mission de l'association Andy Dreams. Ensuite, c'est à la sortie de la rééducation, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on sort de rééducation, on est un petit peu livré à nous-mêmes et se retrouver justement dans ce bain de foule du monde des valides. C'est très, très, très compliqué pour nous. Donc, le but, c'est vraiment de les accompagner, donc aussi bien pour réaliser un petit peu leurs rêves, hein, d'où le nom Andy Dreams. Ouais. Un rêve. Différentes thématiques, hein, justement, c'est les voyages adaptés, les sorties adaptées, mais pas que, puisque souvent on se retrouve avec des personnes qui ont des problèmes financiers pour l'achat de fauteuils. Ah oui, ça coûte très très cher le matériel. Hein. Exactement, c'est un milieu qui coûte très très très cher, et c'est vrai que le but c'est de les accompagner justement pour leurs achats, donc à être différentes, puisque justement on essaie de mettre en place des événements. Et c'est bien. Pour faire des récoltes de dons, justement. Et le but, c'est ça. Ouais. Comme tu disais, toi, il y a 7 ans, moi, je suis passé de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi ou les autres, ça doit pas. Ça, c'est une question bête, mais ça ne doit pas être facile quand même de passer de marcher normalement, de pouvoir faire du sport comme tout le monde. Et aujourd'hui, de se retrouver en fauteuil roulant. Comment se passe l'après, justement, les débuts? Et avant l'après, il y a le début. Comme tu le disais, c'est très très bien dit d'ailleurs, parce que c'est vraiment une période de deuil, hein, puisque c'est comme un deuil lambda. Il faut vraiment faire le deuil de son ancienne vie, puisque c'est vrai que conclure avec l'équation de notre parcours de vie passé et l'importance qu'on a aujourd'hui d'être en situation de handicap, c'est très difficile. Donc, dans les centres de rééducation, justement, on est assez accompagné par rapport à ça. Mais c'est vrai que pendant la rééducation, le fait d'être entouré, entre guillemets, que de personnes en situation de handicap et avec un personnel qui est quand même très, très bien, qui sont très bienveillants, je dirais. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que le retour à la vraie vie est très compliqué. Donc, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne l'acceptent toujours pas. C'est pour ça que j'appelle ça la période de deuil. On est aidé psychologiquement, par les psys, etc. Alors, on est beaucoup aidé, hein, bien sûr. Hein. Ouais. C'est vrai que de perdre ses jambes, c'est très, très compliqué. Hein, je te laisse l'imaginer. J'imagine, oui. Mais aujourd'hui, il faut vraiment se servir justement de cet handicap comme une force. Hein. C'est ce que moi, j'ai essayé de faire tout le long de mon parcours. Hein. Bon, j'ai eu la chance d'être beaucoup aidé, notamment par mes enfants, mon mari. Et c'est vrai que ça, j'ai eu cette chance-là. Après, d'autres personnes ne l'ont pas forcément parce qu'ils se retrouvent vraiment très seuls. Ouais. Donc, c'est vraiment de pouvoir vraiment les accompagner, notamment à travers, comme je disais tout à l'heure, avec différentes thématiques. Donc, c'est vrai que les vacances, les loisirs, c'est quelque chose qui paraît complètement anodin, mais quand on est en situation de handicap, c'est quelque chose qui peut devenir très compliqué. Qui peut devenir, entre guillemets, un peu l'enfer, hein, parce que avant, on a l'habitude de partir en vacances, et pour nous, on part, voilà, on se pose même pas de questions, hein. Mais quand on est malheureusement handicapé, ça devient beaucoup plus compliqué. Hein. Exactement. Bah, c'est vrai que la logistique, quand on est valide, on peut se dire, bon, bah, tiens, ce week-end, je pars en vacances sur un coup de tête. Ouais. Nous, c'est beaucoup plus compliqué parce que, bah, justement, derrière, il faut qu'on pense en amont. Au fauteuil, ne serait-ce que la douche. Hein. Donc, souvent, les établissements sont PMR, mais au final, on se rend compte que prendre une simple douche devient très compliqué. Pas équipé. Donc, c'est vrai que la logistique est beaucoup plus compliqué quand on est en situation de handicap. Hein. Justement, on parle d'équipement. Est-ce que toi, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, tu penses que tout ce qui est ouvert au public est bien équipé, ou il en manque encore, on manque de communication, où ça évolue pour toi? Alors moi, à mon niveau, je trouve que ça n'évolue pas assez. D'accord. Quand un hôtel vous dit, oui, nous avons des chambres PMR, hein, donc pour les personnes à mobilité réduite, ben, on s'avère que pas du tout, en fait. Donc, c'est vrai que ça reste... il y a encore beaucoup de travail. Après, bon, les établissements sont pas tous équipés, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. C'est, pour certains établissements, mettre juste une barre de soutien, de maintien, bah, pour eux, ça suffit, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, ouais. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Honnêtement, il y a encore beaucoup de travail. En tout cas, une belle association qui s'appelle Handy Dreams. Plein de choses, des projets pour vous en ce moment qui arrivent et qui vont aboutir, j'espère, pour justement faire part de cette association. Justement, j'en profite pour remercier tous nos partenaires, hein, notamment la PF France Handicap, hein, avec qui j'ai intégré il y a quelques temps. Donc c'est vrai que c'est une très belle association et justement qui essaye de faire en sorte que les choses évoluent dans le monde des personnes en situation de handicap. Et là, j'en profite d'être à l'antenne et je te remercie, Francky, parce que c'est très important pour moi. Oui. Avec différents partenaires, justement, puisque l'association Adubim accompagne aussi le retour à l'emploi. Et avec partenaires, ouais, on a la chance de travailler pour une très grande entreprise française qui est justement actuellement à la recherche de 12 collaborateurs. Donc, Donne le nom, c'est qui l'entreprise? Tu peux donner le nom. Hein. Alors, l'entreprise, la grande entreprise, je ne peux pas encore la donner. Ah, d'accord. Mais le partenaire principal de cette action est Qualité H. Ouais. Donc, avec Laure Daviti, qui est une super personne qui est très portée contre, justement pour les situations des personnes en situation de handicap. Hein, parce qu'il faut quand même savoir qu'en France, hein, il y a quand même plus de 850 000 personnes à mobilité réduite. Quand même, ouais. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Et justement, le but de cet appel à la candidature, en fait, nous recherchons essentiellement des personnes en situation de handicap. Hein. Donc, ce sont du travail qui sera essentiellement fait en télétravail, donc pour les personnes qui ont un petit peu plus de difficultés pour sortir de chez eux et autres. Hein. Ils pourront, tout en étant chez eux, pouvoir avoir une vie, je dirais, entre guillemets, normale, puisqu'ils pourront reprendre un emploi. Voilà. On est à Orléans aujourd'hui. Les déplacements pour les personnes justement à mobilité réduite, handicapées, est-ce qu'il est facile, ça soit sur les transports en commun, sur l'accessibilité piétonne, dans les magasins, je sais pas, hein, c'est un exemple, après sans balancer quoi que ce soit. Moi, je vois pas. Je vois certaines choses. Je vois sonner pour avoir une rampe, etc. Ou alors, je vois des passages pour les fauteuils roulants. Mais est-ce que pour toi, qui est à Orléans, est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce qu'il en manque? Est-ce qu'il faudrait plus communiquer aujourd'hui? Alors, pour tout ce qui est transport en commun, c'est vrai que sur Orléans, comparé à d'autres villes, la TAO, on a même cette chance-là que le service TAO a mis en place. Tous les bus sont adaptés. C'est vrai. Ouais. Les tramways, c'est vrai que pour se déplacer sur Orléans, c'est très simple. Hein. Mmh. Enfin, dans les transports en commun. Eh ben, bravo la TAO, bravo. On peut les féliciter. Oui, on peut leur dire. Franchement, dire ils assurent. Ouais. Après, dans la rue, c'est parfois compliqué. Hein. Par exemple, la rue de Bourgogne qui est pas possible avec les pavés. C'est vrai que c'est très très compliqué de circuler dans la rue de Bourgogne. Et ensuite, les trottoirs. Oui, les trottoirs, ça reste un très gros problème. Ou bon, après, ça, c'est le problème des chauffeurs, je dirais, qui se garent très mal. Et c'est vrai qu'ils ne pensent pas, parce qu'après, on ne pense pas forcément qu'en fauteuil roulant, mais même les personnes avec des poussettes. Ouais, c'est ça, ouais. Quand on voit une voiture qui est sur le trottoir, et que nous obligés de prendre la route pour traverser, c'est ça. Et parfois, on peut même pas descendre du trottoir parce que, le trottoir est trop grand. Donc, du coup, on est obligé de faire plusieurs mètres avant de pouvoir se retrouver sur la route, qui reste quand même très dangereux. Mais bon, après ça, c'est un autre problème. Oui, après, il y en a beaucoup des problèmes. Malheureusement, si on les prend cas par cas, on n'a pas fini. Exactement. Mais c'est vrai que, bon, sur Orléans, en règle générale, ça reste quand même accessible assez facilement. Bon, ben ça va. On passera le mot à M. Groire, que je vous rencontrerai prochainement. Je lui passerai le mot. Hein. D'accord. Serge. Andy Dreams, on vous rappelle l'association. Concrètement, aujourd'hui, après, je suis pas le Père Noël, mais vous avez besoin de quoi en priorité dans cette association, si les auditeurs nous écoutent, les chefs d'entreprise nous écoutent, peut-être qu'un appel, je sais pas, au don, à un besoin assez urgent, on va dire, Andy Dreams, cette association. Alors, là, c'est vrai que nous, quand on intervient dans les centres de rééducation, par exemple, notre public, moi je n'aime pas les appeler des adhérents puisque justement pour eux, c'est, quand on intervient, c'est gratuit. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas d'argent dans l'association avec nos adhérents. D'accord. Aujourd'hui, l'association ne travaille qu'avec des donateurs. Donc ça peut être des particuliers comme des chefs d'entreprise, puisque nous sommes une association de la loi 1901. Donc, à but non lucratif. On déduit des impôts. Et ça, c'est quand même important de le souligner. Ouais, c'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la priorité pour Andy Dreams, puisque justement pour pouvoir avoir plus de projets avec les personnes en situation de handicap, ça passe toujours par l'argent, malheureusement, il faut dire. L'argent, faut pas, il n'y a pas à chier, hein, c'est le nerf de la guerre. Hein, exactement. Hein, tout le monde dit sans argent, on est heureux, mais moi, j'y crois pas trop. Hein. Demain, tu me donnes 3 millions, moi, je suis bien. Hein. Moi, juste 1 million et je suis... Ouais, même 300 000, ça ira. Non, mais c'est vrai, faut être honnête. Hein, l'argent fait pas le bonheur, ouais, mais bon, il y contribue. Hein, moi, tu me donnes 300 000, comme je te dis, moi, je suis bien dans ma tête, quoi. Hein, voilà, ça règle aussi quelques problèmes, l'argent. Hein. Donc, la première demande, c'est justement, on est vraiment à la recherche de donateurs. Ouais. Donc, surtout là, en fait, de fin d'année, c'est vrai que on aimerait faire beaucoup plus d'actions. Malheureusement, les moyens nous manquent. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'en profite pour toutes les personnes qui écoutent l'émission ce matin. Oui, les donateurs ont dit un grand oui. Oui. À côté de ça, justement, pour pouvoir rentrer des sous dans l'association, j'ai créé une marque de vêtements qui s'appelle NG Style. N pour Nadia, J pour Jérémy. Et cette entreprise, justement, une partie des ventes seront reversées justement à l'association Andy Dreams. Ouais, ce qui vous permet de faire des choses. Ouais. Voilà. Donc c'est une gamme de vêtements pour actuellement que pour femmes, qu'elles soient valides ou en situation de handicap. Hein. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet NG Style. Ok, voilà des bonnes informations ce matin, des petites gouttes d'eau dans l'océan comme on dit, mais qui font peut-être grandir cette belle association. On vous rappelle le nom, c'est Andy Dreams. Vous voulez la retrouver sur les réseaux sociaux, et puis n'hésitez pas à nous contacter ou la contacter pour si vous voulez faire des dons ou les aider, leur filer un petit coup de main. Des fois ça fait chaud au cœur aussi. Voilà Nadia. Merci à vous en tout cas. Eh ben merci Nadia de nous avoir consacré ces 10 petites minutes en direct sur l'arc-en-ciel pour parler de cette belle association. Je vous rappelle le nom, c'est Andy, H-A-N-D-Y, Dreams, D-R-E-A-M-S. Voilà, n'hésitez pas à aller voir leur page, liker et puis surtout les suivre et puis peut-être leur filer un coup de main. Nadia, on peut faire comme ça ce matin, c'est pas mal. Super, c'est génial en tout cas. Merci à toi, je te souhaite une belle journée. Bonne journée à vous. Et t'as un petit score pour le match ce soir? Moi, je suis vraiment partagée parce que mes enfants sont marocains, puisque leur papa est marocain. Ouais. Ils sont à fond derrière le Maroc. J'ai pas vraiment de score. Après, t'as peur d'un conflit à la maison. Ouais, ça va être très compliqué, je pense, ce soir. Et en tout cas, je dis allez les deux. Allez les deux, moi, je dis. Voilà, allez les deux. Merci, Nadia. Merci, Francky. Belle journée à toi sur Radio Arc-en-Ciel. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.